La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. Marhaba, bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Alors aujourd'hui nous allons parler des musiques de la Narda. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la Narda ? La Narda, le réveil arabe, eh bien c'est une période qu'en général on fait débuter en 1798 avec l'invasion des troupes napoléoniennes qui s'invitent pour 3 années en Égypte. Et c'est en général donc à cette époque charnière que l'on fait commencer ce siècle et demi qui va être effectivement marqué par une grande activité politique, intellectuelle dans le monde arabe, notamment dans l'Égypte. Il faut savoir que, à la vérité, quand on y réfléchit un petit peu, eh bien, ce n'est qu'une autre manière d'appeler les secondes lumières arabes. Alors pourquoi les secondes lumières arabes ? Parce qu'il y a déjà les premières lumières arabes. Là, je nous renvoie à un ouvrage assez récent d'Éric Marion, justement sur ces lumières arabes, qui sont donc des lumières philosophique de la deuxième moitié du bas Moyen-Âge. On est à peu près dans les années 1100-1200. Quand on se reporte cette fois-ci à la Narda, eh bien, ça va être le grand 19e siècle égyptien qui va se caractériser par de très grands bouleversements politiques. Il va y avoir l'occupation britannique, on en reparlera dans le courant de l'émission. Et ça va être une espèce de choc, de catalyseur qui va avoir également des conséquences au niveau culturel, au niveau musical. Et ce que nous vous proposons, eh bien, c'est de découvrir un certain nombre de ces grands interprètes des musiques de la Narda, car nous avons des enregistrements et on va donc essayer d'avoir un petit tour d'horizon avec ce qui est disponible dans les archives de la musique arabe au cours de cette émission. Je vous propose tout simplement de commencer avec un grand interprète qui s'appelle Youssef El Manialaoui, qui est passé dans sa carrière du chant religieux au chant savant, profane, un parcours finalement assez classique pour les interprètes de la Narda, qui est une grande figure de la seconde moitié du 19e siècle. Il sera notamment envoyé par le Khedive à Istanbul, à la cour ottomane, pour s'y former, de manière effectivement à recevoir, on va dire, les codes de l'élite. Et il se produira dans des soirées privées organisées par les grandes familles de l'époque, les grandes familles égyptiennes de l'époque. Et nous avons de la chance, car c'est également à cette charnière entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, que vont être gravés les premiers disques. Et nous avons donc le plaisir de vous faire découvrir un certain nombre de ces enregistrements. Et vous allez voir, évidemment, vous allez plutôt entendre, ça chuinte. Donc c'est un petit peu sorti de la cave, évidemment, ça a été retravaillé numériquement. Mais on a une audition d'un autre âge, tout simplement. Et c'est cela que nous vous invitons à découvrir, avec un premier titre donc de Youssef El Manialaoui qui s'appelle « Ya Manta Wahishni » et que nous lançons dès à présent. Thank you.

C'était donc Youssouf El Manialaoui avec Yaman Tawahechni. Vous aurez remarqué le jeu entre le chanteur et son chœur, un jeu extrêmement fin. Et nous allons à présent passer à un deuxième interprète, Abdelhaï Hilmi, qui meurt en 1912, donc un an après Youssouf El Manialaoui. Et on va avoir le plaisir effectivement d'un texte très connu, d'un immense poète, Abou Firas El Hamdani, donc un auteur du Xe siècle chrétien, donc dans une poésie qui s'appelle « Araka Asiyad Dama », donc « Toi qui te refuses à pleurer ». Et Abdelhaï Hilmi est un interprète assez éclectique. Ce sera peut-être un des premiers à se produire dans des concerts publics, hein, donc effectivement monter sur les planches. Il a une vie assez chaotique, un grand séducteur, amateur d'alcool, de drogue, hashish, cocaïne, opium. Et il a pour lui d'être également un autodidacte fantasque, ce qui lui permet effectivement d'oser musicalement un certain nombre de choses que peut-être des devanciers un peu plus classicisants n'auraient pas tenté. Et nous vous proposons donc à présent ce deuxième titre donc d'Abdelhaï Hilmi. Et je vous rappelle qu'il s'agit du poème « Araka Asiyad Dama » d'Abou Firas El Hamdani. Thank you. C'était donc Abdelhaï Hilmi, Araka Asiyad Dama. Et tous les extraits que nous allons entendre aujourd'hui, donc dans ce panorama des musiques de la Narda, sont tirés d'une collection qui s'intitule Archives de la musique arabe, collection à laquelle a activement collaboré Frédéric Lagrange, qui est professeur d'arabe à l'Université de la Sorbonne à Paris 4. Nous allons passer à présent à un autre grand personnage, une figure de la musique nardawi. Il s'agit de Salam Higazi, qui meurt en 1917. Il est issu des cercles mystiques, soufis, et avec ses premiers pas, il va peu à peu se diriger vers les salons, donc une musique, encore une fois, de l'élite. Il faut se remettre dans ce contexte du tournant fin 19e, début du 20e siècle, en Égypte. Cette Égypte donc des Khédives qui peu à peu s'étiole. Et le tournant, si vous voulez, pour Salam Higazi, ce qui va lancer sa carrière, ça va être le théâtre. Alors au début, il est quand même relativement réticent, puisqu'il vient plutôt d'une formation assez traditionnelle. Et il a un petit peu de mal à se faire à l'idée qu'il va falloir eh bien, se produire entre des scénettes. Et plus tard, eh bien, quand il sera convaincu du bien fondé finalement de cette entreprise pour faire carrière, et il ira lui-même jusqu'à assumer le rôle d'acteur sur les planches. Pour ce faire, il va s'installer au Caire, qui est déjà, bien entendu, la grande capitale de l'Égypte. Et petite anecdote, comme bien d'autres, il troquera son caftan et son turban contre les nouveaux habits, les habits, on va dire, de la modernité, que sont le costume et le tarbouche. C'est la vieille histoire du turban et du tarbouche, de la imama et du tarbouche. Nous allons entendre un extrait extrêmement intéressant qui s'appelle In Confilgish, et là encore prêtez bien l'oreille car il s'agit d'une musique que l'on a exhumée et bien d'un autre siècle, du début du siècle passé. Bonne écoute. Oh, C'était donc Salam Higazi, in kont fil gesh, si j'étais à l'armée. Et nous passons à présent à un très très grand interprète qui va compter parce qu'il représente finalement une nouvelle manière de, pas forcément de faire de la musique, mais de s'adresser au public. Il s'agit de Sayed Darwish et c'est finalement peut-être avec lui, pas seulement, mais avec lui, que l'on va opérer un virage de la musique d'élite vers la musique, on va dire plutôt égyptienne, une musique plus populaire. Au départ, Sayed Darwish est un munshid alexandrin. Donc là encore, il vient d'une formation tout à fait traditionnelle. Et quand il va arriver au Caire, essayer d'établir à partir de 1918, d'une manière finalement assez analogue à ce qu'avait fait Salam Higazi, il va passer à la scène et c'est en brûlant les planches qu'il va connaître de très très grands succès jusqu'à une mort prématurée en 1923. Et ce que nous vous proposons d'écouter, c'est un morceau absolument extraordinaire, extrêmement court. Prêtez bien l'oreille, car il est en 5 langues. Vous avez du dialecte proche-oriental, donc du chaami, vous avez du turc, de l'égyptien, donc dialecte arabe-égyptien, dialecte arabe-soudanais et du grec. Et ce titre s'intitule « Bukhumar Khunufshar ». بلا ميني يكنو الزردم بقعون شو يا بلادي مسؤول يا بلادي مرجان جيبوا أطراف الأجناد أشفى الموت الضار أفرج الحرية تتعلم في رأس الأطلال طبنجان تكشنات وطين الضار مين خيرهم بتريدي يا أصعب من هيك التحويل ما يعجبنيش من الكابي على بلد عميل لو مشكل ولو إنه وابع في عيد الدين ما يعيش اللعنان في وليس انا اتمنى كل انا اتعهد بجمول موسى على كيفنا لكن بتحس الضعف حتى نهودي وانا كنتي فالجزء الاول ما يكون في كاليني C'était donc l'incroyable Saïd Darwish, Bukhumar Khunufshar, donc une chanson interprétée en 5 langues. Un petit tour à présent avec Saïd Softi. Saïd Softi fait partie de la génération suivante. C'est au départ un récitant du Coran et plus tard il deviendra choriste. Il va acquérir sa notoriété au début du XXe siècle, mais alcoolique, il tombera dans l'oubli. Dans les années 20. Il est assez typique de ces chanteurs de Nanarda par son parcours, encore une fois, d'un chant plutôt sacré au départ vers un chant profane. Et nous vous proposons une chanson extrêmement connue qui a eu énormément d'interprètes tout au long du XXe siècle et qui est en fait au départ un mouachar, donc une poésie strophique de l'Andalousie médiévale. On n'a pas d'attribution étayée. Le titre s'appelle Lama Bada Yatasanna et nous allons donc écouter Saïd Softi en donner sa version. C'est parti. Thank you. Voilà, c'était donc une interprétation de Saïd Safdi, La Mabada et Tathana. Et donc, nous allons passer à présent à notre dernier interprète pour ce panorama musical de Nanarda. Nous avons choisi Sami Chawa. C'est un immense violoniste, prince du violon, Amir Kamanga. Il est à Lépin, grec orthodoxe. Et parler de Sami Chawa, c'est également une manière, finalement, de rappeler que les instruments de musique ont pu évoluer, et notamment le sort du violon européen, est tout à fait intéressant, puisqu'il a été progressivement adopté dans le courant du 19e siècle. Il est tout à fait présent dans le dernier quart du 19e siècle, mais il est bien possible bonne cinquantaine d'années plus tôt, il ait déjà été finalement un instrument de la musique khédiviale. Nous vous proposons donc une danse des dames, Raqs al-Hawanim, donc de Sami Chawa, pour clore ce panorama musical de Nanarda, avant, dans une prochaine émission, d'aller découvrir Oum Kalthoum. Bonne écoute, à très bientôt, ma salama.